Et si je te faisais un petit slam pour déclarer ma flamme, hein, qui soit haut de gamme, qui soit pas de la petite cam, je t'en ai fait un sur mesure, tu vas aimer, j'en suis sûr. J'ai même l'intention de te faire rire et sans coup, fais rire. Tu sais ce que c'est le slam, c'est du rap sans la zik, ou alors juste une larme et un peu moins un basique. J'en ai déjà fait un à Chloé, la voyant un jour clouée dans un cloaque à Klaoué. Un également à Salomé, un jour où elle slalomait en haut d'un sommet, dans un impair élimé. Je sais, c'est la rime à deux balles, ça vaut que dalle, mais c'est l'échauffement avant que ça commence vraiment. Bon allez, je me lance, faut que ça balance, alors tiens-toi prête, aujourd'hui c'est toi, la vedette. Ce matin, en sortant des gogues, après avoir bu un grog, j'ai vu ton visage comme dans un mirage. T'étais belle, toute de blanc vêtue, chemisier en dentelle, assortie d'un petit fichu. Ensemble, sobre et élégant, qui t'allait comme un gant, une vraie petite princesse à la limite de la déesse. Tous mes sens étaient clairs, sans que rien interfère, à part les quelques relents des chiottes où j'ai déposé le bilan. J'ai de la chance de t'avoir comme meuf, et je dis ça sans aucun bluff, t'es ma raison de vivre, de toi tous les jours je m'enivre. J'ai le cul bordé de nouilles et la queue bordée de couilles, en un mot j'ai du bol, je sens même enflé mes guiboles. Certains diront que t'es moche, mais pour moi ce sont des bofs, je te trouve plein de grâce, malgré tes kilos de graisse. C'est pas très sympa et plutôt immoral de se moquer de ton poids et de ta surcharge pondérale. Je me souviens de ce jour, en voyage en Mercantour, où on s'était arrêté dans une petite maison abandonnée. Endroit enchanteur et idyllique pour un casse-croûte romantique, il y avait tout ce que t'aimes, ambiance champêtre et tendance bohème. Un feu qui crépite sur une cheminée décrépie, et toi qui décrètes qu'il faut pas que je pète, ça sent le croupi. Merci pour la remarque, mais je te signale que celui qui a le plus souffert, c'est mon isotonnerre qui a hérité d'une belle marque. Au moment de sortir le casse-dalle pour niquer notre fringale, il manquait de la bouffe, ce qui me paraissait louche. Tu m'as dit c'est le rat, ce scélérat qui a mangé le céleri et la salade de riz. L'endroit était certes paisible, mais il y avait quelques nuisibles habitués des lieux dès que ça sent un peu le vieux. Là-dessus, je me suis endormi pendant une heure et demie après trois ou quatre demi et une bouteille de brandy. J'ai rêvé que je faisais la bise à Isabelle à Ibiza, c'est bizarre. Vaut mieux ça que rêver de tomber d'une falaise sur les côtes anglaises après un malaise, là c'est la baise. Ou se retrouver aux Philippines où pour 2 euros tu pines et où les vieux salauds sont légions à l'affût des petits fions. Ce sont de vraies ordures dont les méfaits perdurent et de mettre de l'eau dans leur vin, je crois bien que ce soit vain. Je suis obligé de le dire, je peux pas me l'interdire, ça me sort tout droit des tripes comme une diarrhée après une bonne grippe. Sur le chemin du retour, après notre petit séjour, avenue Maréchal de Lartre de Tassigny, t'as pris un coup de latte, t'as saigné. Un mec avec ses copains qui passait dans le coin, t'as touché les seins, tu lui as mis un pain. Il s'est ensuite cassé après t'avoir tabassé, te laissant par terre, assis sur le derrière. Tu m'as crié niclé, ses pieds niclés, à tête de Mickey, cerveau de biquet. On m'a dit soi-disant que le mec se disant qu'il était séduisant est devenu médisant et un poil méprisant. Fort de ce constat, au tort de ce forçat, les flics l'ont embarqué et au fer rouge l'ont marqué. Il croupit maintenant en tôle où il a trouvé son meilleur rôle, celui de léchage de cul des plus dangereux détenus. Faut pas être émotif pour baisser son calcif devant un enfant de la balle qu'en a après ton trou de balle. Voilà, c'est la fin de mon histoire, entièrement dédiée à ta gloire. Faut que je reparte au WC, je sens le deuxième métro qui va passer.